Ils sont 34. Peux-tu tous les citer? Je sais pas, moi oui, mais parce que je suis formule blabla, mais toi peut-être pas. Et quand bien même saurais-tu tous les citer, ça ne veut rien dire, c'est très mal formulé. Saurais-tu tous les citer? Eh bien, le fait est que peut-être tu ne les connais pas tous, et c'est l'objectif de cette petite série de chroniques. Troisième épisode, on avait commencé en parlant de... Je sais même plus, on avait commencé avec Keke Rosberg. Nous avions parlé également de Denny Hulme et de Mike Hawthorne. Dans un second épisode, nous parlions de... Phil Hill, Mario Andretti et de Jody Scheckter. C'est-à-dire que même moi, j'ai oublié que j'avais parlé d'eux. Et aujourd'hui, nous allons aborder trois autres pilotes. Alors, au bout d'un moment, on va faire le tour de ce type de chronique, hein, puisque, encore une fois, le but, c'est de vous présenter un peu à la va-vite, comme ça, vous en dire un petit peu plus sur ces champions de Formule 1 qui ont naturellement marqué l'histoire, mais qu'on a un petit peu oublié au fil du temps, qu'on a oublié parce que bah, il s'est passé entre-temps des trucs comme Jim Clark, comme Ayrton Senna, comme Schumacher, Hamilton, tu vois, bah, ce qui fait que forcément, il y en a à côté, ils tiennent pas la comparaison, et du coup, on en parle un petit peu moins. Et ben, aujourd'hui, on est là pour en parler. Et pour ce faire, je me suis dit, quoi de mieux pour commencer que de parler de peut-être un des champions les plus oubliés qui n'est pas oublié. Ouais. J'essaye de rendre ça dramatique. Je parle de Giuseppe Farina, le premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que ça a été le premier championnat du monde en 1950 et avant, il n'y avait pas de champion et c'est Farina qui l'a remporté. Alors, naturellement, Farina, c'est peut-être un des noms que ceux qui connaissent un peu le moins l'histoire vont le plus facilement reconnaître puisqu'on dit c'est lui, c'est le premier vainqueur d'une manche de championnat du monde à Silverstone en 1950 et premier champion du monde la même année. Mais après, pour ce qui est de connaître un petit peu plus Joseph Farine, c'est plus délicat. Joseph Farine, il faut savoir qu'il a une très longue carrière et lorsqu'il devient champion du monde de Formule 1, c'est la fin de sa carrière, ce qui est un petit peu paradoxal et en même temps, c'est très beau d'avoir cette passation un petit peu de pouvoir, d'air en quelque sorte, entre l'ancienne génération et la nouvelle. Alors, dans ma chronique sur l'histoire de la Formule 1, je suis déjà entré un petit peu plus en longueur sur ce qu'était la Formule 1 avant le championnat du monde. Pour vous le rappeler très brièvement, les courses automobiles remontent depuis la fin du 19e, début 20e siècle, et c'est dans les années 20 qu'on a créé le championnat des manufacturiers, puis le championnat d'Europe des pilotes, et c'est dans ces années-là qu'on a quelques pilotes qui ont commencé à s'illustrer. Alors, pour parler des plus connus, on aurait Rudolf Caracciola, Tadio Nuvolari, qui est peut-être un des plus grands de tous les temps, avec Bernd Rotzenmeier, si je n'écorche pas son nom, le plus connu peut-être de tous de l'ère moderne, Louis Chiron, notamment grâce à Charles Leclerc qui a rappelé un petit peu la nationalité monégasque au sport automobile, mais il faut savoir que Louis Chiron c'était un des plus grands pilotes de cette époque et Giuseppe Farina vient s'inscrire dans cette génération. Alors il faut savoir que Farina, quand il va commencer la course automobile, des pilotes comme Nuvolari sont déjà au top de leur game, et lui, il va être un petit peu au début, donc pour se placer un petit peu chronologiquement. On est au milieu, fin des années 20, après Farina, il va arrêter un peu la course automobile pour se concentrer à des études, puisque c'est pas Giuseppe Farina, à savoir que d'ailleurs, on l'appelait Nino Farina, c'est d'où peut-être la confusion des fois, petit surnom, Giuseppe Nino Farina, on va l'appeler, c'est plus simple. À savoir qu'il se dit, tiens, ça va... maintenant je veux qu'on m'appelle docteur Giuseppe Farina, puisqu'il a un doctorat en sciences politiques. Mais c'est un doctorat quand même, alors... Voilà. Et fin courant des années 30, il reprend la course automobile. Il devient notamment une égérie pour Alfa Romeo, avec qui il commence à devenir un des meilleurs pilotes de l'écurie, et du coup, à rencontrer son idole Tadio Nuvolari. Et malheureusement, il se passe un truc aux alentours des années 30, fin des années 30 plus exactement, qui fait que la course automobile va s'interrompre. Et lorsque la course automobile va reprendre, du coup, on reprend en 45, quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En plus, je crois que c'est quelque chose comme le Grand Prix de Nice, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Et Farina, naturellement, reprend la course automobile. Il fait partie des meilleurs pilotes, toujours avec les autres, les Ascari, les Jean-Pierre Vimille aussi, qui était aussi un très grand pilote français pré-Formule 1, qui n'a jamais roulé en Formule 1, puisqu'il est mort juste avant le championnat du monde. Mais bon, je digresse, Grèce. Naturellement, Alfa Romeo, c'est une très grande puissance à ce moment-là dans le sport automobile. Ils écrasent à peu près tout. De temps en temps, on va avoir du Maserati, du Ferrari qui vont se pointer et prendre quelques victoires. Mais lorsque le championnat du monde est créé, Alfa Romeo font partie des favoris. Et naturellement, Giuseppe Farina est le favori, ou du moins un des plus grands favoris, puisqu'il y avait... un certain Juan Manuel Fangio qui venait d'arriver en Europe à la fin des années 40. Donc, je crois que Fangio, il arrive en 48, 49, quelque chose comme ça, roulant avec Alfa Romeo aussi. Donc, naturellement, c'est ce duo qui a mené la lutte mondiale pour le championnat du monde des pilotes de 1950, puisqu'on rappelle qu'il n'y avait pas de championnat constructeur en 1950. Et c'est Farina qui l'a emporté. Alors, ça s'est joué un poil de cheveux, ce qui est une expression malvenue parce qu'il était chauve. Et finalement, ça s'est joué à un abandon, puisque Fangio, en abandonnant lors de la dernière manche à Monza, eh bien, il a permis à Farina de du coup, remporter la course et de prendre l'avantage et devenir champion du monde. L'année suivante, les deux vont se rendre l'appareil, mais cette fois, ce sera Fangio qui va remporter le titre et marquer cette passation un petit peu d'épopée entre Farina, qui représente l'ancienne génération, et Fangio, qui lui était pas tant la nouvelle génération non plus, mais il était au sommet de son art, c'est-à-dire pas au début, pas à la fin, mais il était à son pic, Fangio, à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est très naturellement Fangio, du coup, qui a pris la relève. Mais à ce moment-là, Giuseppe Farina était naturellement un des plus grands. Pour en dire un petit peu plus autour du personnage, malheureusement, très peu d'archives à noter de ces années-là, mais le fait qu'il a été considéré comme un des plus grands parle en tant que tel. Il a malheureusement très souvent été impliqué dans énormément d'accidents, pas toujours nécessairement de sa faute, mais il a eu beaucoup d'accidents dans sa carrière, et c'est ce qui faisait que, surtout à ses débuts, il y a eu une perception négative autour de lui, ce qui naturellement n'a pas entaché sa réputation en tant que pilote très talentueux et bien sûr très respecté. En termes de personnages, comme je disais, dans ces années-là, les pilotes étaient très souvent issus de milieux pas nécessairement riches, mais il fallait avoir un petit peu de moyens pour ne serait-ce qu'avoir une voiture, pouvoir se payer, acheter des voitures ou les louer. Dans son cas, son père était carrossier, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, on avait affaire à un personnage qui était très dans l'humilité, en quelque sorte, retenu, qui pouvait justement, paradoxalement, contraster avec les autres personnages, les Italiens de cette époque, puisqu'on notera que parmi les autres grands pilotes de cette époque, on avait notamment Alberto Ascari, qui à ce moment-là roulait pour Ferrari. Lui était beaucoup plus réputé comme quelqu'un de plus émotif, c'est peut-être le bon mot, je parle très mal le français. Et de manière générale, il s'imposait auprès du pays, puisqu'on était dans une époque où il y avait énormément de pilotes italiens. Comme je le disais, c'était une domination des manufacturiers italiens. Contexte géopolitique a grandement aidé, on va pas se mentir, puisque pendant les années 30, 40 et du coup 50, c'était une domination italo-allemande. Alors, il paraît qu'il y avait des liens politiques entre les deux pays à cette époque. Là, j'avoue que je vous renvoie vers Histoire Blabla. C'est une chaîne sur l'histoire de... Pas de la Formule 1, du coup. On n'est pas là pour parler de ça, mais forcément, du coup, les Italiens, les Allemands étaient très en avant en termes de constructeurs. Les Français se débrouillaient pas mal. Farina était un petit peu à la tête de cette troupe. On avait du Ascari, on avait du Fagioli, Di Lorenzi, Taruffi et machin, j'en ai oublié plein. Naturellement, il est arrivé sur la fin de sa carrière, comme je le disais, lorsque Alfa Romeo a quitté le sport automobile en 1951, quand ils ont parti de la Formule 1, il a rejoint Ferrari, du coup, une autre équipe avec laquelle il avait naturellement un petit peu d'histoire. Et là, forcément, la comparaison s'est faite un peu plus sentir, puisqu'il se retrouvait face, entre autres, à Ascari, qui a dominé en 52-53. J'ai fait une rétrospective de la saison 1952. Donc, voilà, vous pouvez aller la voir. Ça me fera une vue de plus, parce qu'il y a 4 personnes qui l'ont vue, je crois. Ah non, 5, ma mère, elle l'a regardée. Et puis, Mike Hawthorn aussi, qui est en pleine émergence. Donc, c'était un petit peu le déclin pour lui. Il a eu quelques épisodes où il a rappelé que c'était lui le patron, quand même. Mais sa carrière s'est lentement éteinte de la sorte et... La mort de Alberto Ascari en 1955 a été très brutale, donc ça a été pour lui un des motifs de retraite, enfin qui a confirmé sa volonté d'arrêter le sport automobile. Et voilà pour la petite histoire d'Alberto de Giuseppe Farina en Formule 1. Je me suis dit qu'on pouvait aussi parler d'un, puisqu'on est sur les années 60, d'un autre pilote. Donc naturellement, c'est difficile de me dire, mais de quel pilote je peux bien parler dans ces chroniques, parce que où placer la limite entre le connu, pas connu, entre le connu mais oublié, pas oublié, tout ça. C'est pour ça que, par exemple, la dernière fois, j'avais voulu évoquer Mario Andretti avec Formule Moyen qui l'avait fait, parce que c'était assez intéressant, je trouvais, de parler de Mario Andretti, un champion du monde, une immense star que tout le monde connaît aujourd'hui, même si on connaît rien à l'histoire de la Formule 1, on connaît le nom Mario Andretti, mais pourtant, qu'est-ce qu'on connaissait de Mario Andretti en Formule 1, ça c'est autre chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on va parler de John Surtees, parce que John Surtees, pareil, c'est un nom très très connu dans l'histoire du sport automobile et des sports mécaniques en général, et je me suis dit, puisque sur Formule Blabla, on aime bien faire venir des gens qui s'y connaissent mieux que moi, à qui que je pourrais demander. Et du coup, j'ai demandé à quelqu'un qui est passionné, bien sûr, dans le milieu des sports mécaniques, tout ça. Bon, elle n'a pas répondu. Et du coup, j'ai demandé à Jules le circuit. Et du coup, il a dit oui. Et du coup, je lui laisse la parole. Oh, bonjour, vous êtes là? Vous n'avez pas vu? La MotoGP et la Formule 1, deux disciplines reines suivies par des millions de personnes à travers le monde. Deux disciplines souvent comparées, mais dont leurs acteurs respectifs s'admirent et s'estiment mutuellement. Bien sûr, chacune d'entre elles ont leur histoire et leur légende. Des Giacomo Agostini, Mick Doohan, Valentino Rossi ou Marc Marquez pour ce qui est des deux roues, ou Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher ou Lewis Hamilton pour ce qui est des deux fois deux roues. Mais toutes deux ont une légende en commun, John Surtees, le seul pilote titré dans les deux catégories. Tout commence le 11 février 1934 à Tatsfield, quand naît John Norman Surtees. Son père, Jack, était un concessionnaire de motos et a lui-même participé à quelques courses sur gazon au Royaume-Uni au sortir de la guerre. Baignant dans le milieu des deux roues depuis son plus jeune âge, il dispute sa première course en 1951, à l'âge de 17 ans, au guidon d'une Norton. Dès l'année suivante, il intègre le championnat du monde 500, l'ancêtre du MotoGP. Toujours avec Norton, ses premiers pas en mondial sont timides. Seulement un point, loin d'inquiéter les grands noms comme Umberto Massetti ou Leslie Graham. Les deux années suivantes ne sont guère meilleures et il faudra attendre 1955 pour observer une progression. A l'époque, les pilotes moto n'étaient pas cloisonnés dans une seule et même catégorie. S'il est impensable de s'imaginer Francesco Bagnaia disputer le Grand Prix Moto 2 avant le Grand Prix MotoGP, à l'époque, il était courant que les acteurs de la piste soient engagés dans plusieurs catégories différentes. Ainsi, John évolue également en 350 et en 250, et c'est dans cette dernière catégorie qu'il remporte sa première victoire en 1955. Un déclic qui se confirme également en 350, où il obtient ses premiers podiums. En 1956, John change de camp. Fini les Norton et bonjour les MV Agusta. Et avec la marque italienne, il remporte les trois premières courses de la saison entre le Tourist Trophy, Assen et Spa pour devenir en fin de saison champion du monde 500, succédant à 3 années de domination de Geoff Duke, son compatriote. Troisième en 1957, 1958 marque un tournant dans le Mondial Circus. En effet, les constructeurs que sont Gilera ou Moto Guzzi désertent les grilles de départ et laissent seuls les MV Agusta. Ainsi, Big John émerge et assoit sa domination. Il remporte tous les grands prix auxquels il participe en 350 et 500 pour décrocher les deux titres face à Geoff Duke ou John Hartle. Après, quand tu gagnes tous les grands prix sauf un, en général, t'es rapidement champion du monde. La course qu'il ne dispute pas, c'est le Grand Prix de Suède, mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'MV Agusta ne peut pas envoyer son matériel. Leurs conteneurs sont trop gros et ça ne passe pas pour le transport. Du coup, pas de Grand Prix de Suède. En 1959, 100% de victoire, et en 1960, il remporte ses 6e et 7e titres mondiaux. En 3 ans, John Surtees a écrasé le monde de la moto. 32 victoires en 39 courses, mais aussi 3 fois vainqueur de suite du TT. Si Geoff Duke était la première légende des deux roues, c'est maintenant Surtees qui est sur le trône. Il n'a plus rien à prouver, du coup il se lance un nouveau défi, gagner sur 4 roues. C'est en 1960 que Surtees débarque en monoplace. Après quelques courses en F2, il s'attaque à la Formule 1 et dispute ses premiers Grands Prix avec Lotus. Dès sa deuxième course à Silverstone, John démontre qu'il est aussi rapide sur 4 roues que sur 2 roues en prenant la deuxième position derrière Brabham. Il confirme dès la manche suivante au Portugal en prenant la pole position et en menant une grande partie du Grand Prix avant de devoir renoncer sur ennui de radiateur. Son entrée est réussie, mais tout n'est pas rose. En effet, John Surtees est un fort caractère, un petit peu austère, qui ne fait pas de concessions. Et il a bien senti les faveurs de Colin Chapman pour son autre pilote, Jim Clark. Alors, Surtees quitte Lotus au terme de sa demi-saison 60 pour rejoindre Cooper en 61. Mais pas dans une écurie officielle, non, dans une écurie privée. Surtees ne veut pas cramer les étapes et veut faire ses armes. Avec un ancien modèle, John accroche quelques points en championnat du monde avant de prendre sa première victoire en F1 au Glover Trophy à Goodwood devant Graham Hill et Roy Salvadori. Et oui, à cette époque, la Formule 1 ce n'est pas que le championnat du monde. Si vous suivez Mick, vous le savez. Par ses titres moto et son acclimatation rapide en F1, Surtees a bonne réputation et attire les regards de la Scuderia Ferrari qui lui propose un volant pour la saison 62. Un volant que Surtees refuse. John, il est là pour courir et fuit toute forme de jeu politique. Une chose que Ferrari connaît bien, et il faut dire que la fuite massive des cerveaux en 61 ne séduit pas le britannique. Ce dernier fait confiance à Eric Broadley, fondateur de Lola, qui lui offre un poste de choix. Cette année 62 est donc charnière. Surtees s'impose en leader de projet et réalise une saison impressionnante avec sa marque 4. Pole position à Zandvoort et deux deuxièmes places entre Entry et Nürburgring. Il termine 4e du championnat avant de recevoir un nouveau coup de fil de Ferrari et plus précisément de Genio Dragoni, le nouveau directeur de la Scuderia. Refuser une offre de Ferrari, c'est dangereux parce qu'on connaît la fierté des rouges, mais la réputation du Britannique est telle que le cheval cabré n'a pas pu résister. Après 2 ans et demi en Formule 1, John Surtees s'estime prêt à jouer les premiers rôles. Et il confirme, 4e à Monaco, 3e aux Pays-Bas, 2e à Zandvoort et 1er au Nürburgring. En ce 4 août 1963, John Surtees devient le premier et à ce jour, le seul pilote à triompher en championnat du monde 500 et en Formule 1. La Scuderia est véloce, mais sa fin de saison est gâchée par des ennuis mécaniques qui privent John d'un potentiel podium au championnat. Il termine de nouveau 4e, mais avec beaucoup d'espoir pour 1964. Sa 158 se montre à la hauteur des Lotus et BRM dont les fers de lance se nomment Jim Clark et Graham Hill. Ce trio britannique va se disputer le championnat du monde, même si dans un premier temps, Surtees est en retrait. Il et Clark se partagent les 3 premières victoires de la saison, tandis que John ne se contente que d'une 2e place à Zandvoort. En fait, c'est en 2e partie de championnat que le septuple champion du monde moto se hisse dans la lutte au titre. 3e à Brands Hatch, il s'impose de nouveau au Nürburgring avant de triompher à Monza devant les Tifosi. Pendant ce temps, Jim Clark et Graham Hill abandonnent à plusieurs reprises. Il ne reste que 2 Grands Prix et les 3 hommes ne sont séparés que de 4 points. Mais à Watkins Glen, c'est le vieux Hill qui prend la victoire et une sérieuse option pour le titre. Le trio débarque au Mexique pour l'ultime épreuve de la saison. 9 points derrière, Clark a encore une chance d'être titré, car à l'époque, toutes les courses ne sont pas comptabilisées. Et oui, seuls les 6 meilleurs résultats comptent. Bien que ces 2 points acquis en Belgique soient décomptés, Graham fait office de favori face à ses 2 rivaux. Bien sûr, Jim Clark prend la pole position quand Surtees et Hill sont 4e et 6e. Ce week-end-là, Big John n'est pas le plus rapide et subit un petit peu les événements au volant de sa Ferrari blanche et bleue. Clark écrase la concurrence, mais Graham tient la 3e position. Dans cette configuration, c'est le pilote BRM qui prendrait le titre. Mais au 31e tour, il s'accroche avec Lorenzo Bandini, pilote Ferrari et coéquipier de Surtees. Un accrochage qui soulève beaucoup de questions et qui contraint Graham à l'abandon. Alors, Surtees remonte au 4e rang, mais Clark est bien parti pour tout rafler. Mais dans les 2 derniers tours, la Lotus de l'Écossais ralentit suite à un problème mécanique. Chez Ferrari, on ordonne à Bandini de céder sa place à Surtees qui grimpe ainsi au 2e rang et décroche la couronne mondiale pour 1 point devant Hill. Voici John Surtees sur le trône de la Formule 1. L'année suivante, John ne gagne pas de Grand Prix et des tensions naissent entre Dragoni et Surtees. Le caractère du Britannique, froid et intransigeant, détonne avec celui de la Scuderia. Alors, quand en fin de saison, il se blesse lors des 1000 km de Mosport, Ferrari perd confiance en son pilote. Bandini devient numéro 1 et Surtees perd tout avantage. Malgré ses déconvenues, il s'impose à Spa en 1966 avant de claquer la porte à Ferrari, lassé du mauvais traitement que lui inflige Dragoni. Une perte qui sera regrettée par le Commendatore lui-même. Alors, l'octuple champion du monde joue les intérimaires chez Cooper et s'en tire même avec une victoire en fin de saison au Mexique, avant de tenter l'aventure japonaise chez Honda. Ce qui lui vaudra une nouvelle victoire à Monza, sa sixième et dernière en championnat du monde de Formule 1. Une victoire de dingue parce qu'il prend la tête à Jim Clark dans le dernier tour, le pilote Lotus a encore eu un souci, et il se bat face à Jack Brabham sur la ligne lors d'une drag race où il s'impose par 2/10. Après 2 années frustrantes pour le compte du constructeur japonais, Surtees tente de se relancer chez BRM en 69 avant de fonder sa propre écurie. Engageant des châssis McLaren, il les modifie et devient ainsi constructeur, mais les bons résultats se font rares. En 1972, en Italie, il prend part à son dernier Grand Prix avant de se contenter du rôle de patron d'équipe. Cette dernière prendra même 2 podiums entre 72 et 73, entre Mike Elwood, également légende de la moto, et Carlos Pache. Rares ont été les pilotes à passer du 500 à la Formule 1 et aucun ne l'a fait avec autant de succès que John Surtees. Mike Elwood fera un passage honorable sans parvenir à décrocher la moindre victoire. Gary Hawking, rival de Surtees pour le titre 350 en 1960, sera un grand espoir mais se tuera dès son premier Grand Prix de Formule 1. Si, quand on évoque les années 60, on pense tout d'abord à des Jim Clark, Graham Hill, Jackie Stewart ou Jack Brabham, il ne faut pas oublier John Surtees dont les exploits inégalés méritent d'être soulignés. En tant que légende de deux disciplines, Surtees réapparaîtra à plusieurs reprises lors d'événements historiques. Dans les années 2000, il s'occupera également de la carrière de ses trois fils, dont le malheureux Henry qui sera emporté à Brands Hatch le 19 juillet 2009 après avoir été percuté par une roue en pleine tête lors d'une manche de F2. Atteint d'une maladie respiratoire, John Surtees s'éteint quelques années plus tard, le 10 mars 2017 à 83 ans. 38 victoires en 52 Grands Prix pour 7 titres de champion du monde en moto, 14 victoires en 171 Grands Prix de Formule 1 et le titre de champion du monde 64, mais également 3ème des 24 heures du Mans cette année-là, sans oublier un titre en Can-Am avec sa propre équipe en 66, c'est pas mal pour un champion du monde oublié. Merci Mick de m'avoir proposé de parler de John Surtees, un héros de deux mondes, malgré tout un champion oublié pour ce qui est des deux fois deux roues, d'où sa présence dans cette vidéo, hein. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis, mais... Voilà, ça mérite clairement qu'on s'y attarde dessus. J'espère que ce que j'ai fait te conviendra. J'espère que ça conviendra également à ceux qui regardent la vidéo. Si c'est le cas, ben, vous savez quoi faire. Hein. Abonnez-vous à Formule Blabla parce que... C'est dur à dire. C'est dur à dire, au fait, ton nom. Hein. Formule Blabla. Ou alors c'est juste moi qui suis un peu con, mais certainement ça. Donc rejoignez... Abonnez-vous à la chaîne de Mick. Et si jamais, rejoignez-la parce que ça lui fait de la thune et il aime bien la thune. Donc voilà. Bref, des bisous. Je t'emmerde. Enfin, formule blabla, oui, bon, alors déjà de 1, je me suis un peu plus fêché que de dire le circuit. Hein. Il y a un moment, on essaye de trouver des trucs un peu plus originaux. Et ensuite, la FOM m'a cassé les burnes avec blabla F1. Et si on terminait par un vrai oublié de chez oublié? Parce qu'au final, c'est un petit peu le but, mais j'essaye quand même de vous accrocher au début avec des noms plus ou moins connus. Je vais parler de Alan Jones. Alors, Alan Jones, qu'est-ce que ça évoque? J'essaye déjà de vous dire ce qui peut faire la légende un peu de Alan Jones. Bah, Alan Jones, premier champion du monde pour Williams. Il était dans l'équipe lorsque Williams a remporté son premier championnat et ses deux premiers championnats du monde constructeurs en 80-81. Et pourtant, c'est peut-être un des plus grands champion du monde qui n'a qu'un seul titre. Un pilote qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui et qui, à chaque fois, était un pet fion d'être un Alain Prost, par exemple, ou un Jack Brabham, enfin, un nom dont on se rappelle encore plus. Un titre de champion du monde, 12 victoires. 12 victoires, plus une lors d'une manche en championnat, puisqu'il y a une épreuve en 80 qu'il a remportée qui a été exclue du championnat du monde. Certains diront, c'est des nombres de rookies, 13 victoires. Pourtant, 13 victoires, c'est énorme. On va essayer de refaire un petit peu son parcours. Alan Jones, en plus, c'est un personnage atypique qui fait plaisir, Alan Jones. Alors, Alan Jones, il commence sa carrière dans l'écurie de Hill, Graham Hill en 1975. À noter qu'il a roulé ensuite pour l'écurie de John Surtees, mais on y reviendra juste après. Donc, il roule pour Graham Hill en 1975. Et faut savoir que déjà, sa carrière, elle aura pu se terminer là. Non, t'as vu, je mets la bonne humeur et tout, mais en fait, ta gueule. Parce que je vais te replonger dans ma rétrospective sur Graham Hill. Graham Hill, donc, qui a lancé son équipe au début des années 70, est mort avec toute son équipe, ou la majeure partie de son équipe, dans un accident d'avion, dans son avion qu'il pilotait fin 75. À bord, on avait 6 mécaniciens et Tony Brice. Tony Brice, qui était un pilote très talentueux, sur lequel on avait beaucoup d'espoir. Alan Jones a expliqué que c'est lui qui devait prendre la direction de ces tests avec Graham Hill, puisque voilà, c'était un peu la tradition. Graham, il avait son avion et puis il faisait voyager toute son équipe. Ça permet d'économiser des billets, tout ça, donc c'était assez sympa. Et personne ne dira que Graham était un personnage désagréable avec qui traîner, donc voilà. La veille de ces tests, on a appelé Alan, on a dit non, finalement, c'est Tony Brice qui va faire les tests, donc reste chez toi. 24 heures plus tard, il était au chômage, mais vivant. Ça aurait pu s'en arrêter là, Alan Jones. Il termine la saison avec l'équipe SKF et en 1976, il rejoint John Surtees, enfin l'équipe de John Surtees du coup. Bon, ça se passe pas nécessairement très bien en interne. Il va rejoindre ensuite l'équipe Shadow en 1977. L'équipe Shadow, c'était un petit peu une équipe d'outsider dans les années 70, une équipe américaine qui arrivait de temps en temps à faire un petit exploit par-ci, par-là, à des fois jouer des victoires. Et c'est ce qu'il a fait en remportant le Grand Prix d'Autriche devant un certain Niki Lauda. En plus, la saison 1977 était très compétitive. Et c'est un petit peu en cette saison où il se fait remarquer par un certain Frank W. Ce Frank W, lorsqu'il relance son équipe Williams fin 1977, il se dit « il me faut un pilote qui dégage cette combativité ». C'est exactement Alan Jones. Alan Jones, c'était un requin sur la piste. C'est quelqu'un qui va dire ce qu'il pense, qui va être droit dans ses bottes et à qui tu ne la feras jamais à l'envers parce qu'il ne le supportera pas, mais qui en retour ne te la fera pas à l'envers. Et ça, c'est quelque chose qui naturellement plaît beaucoup à Frank Williams et également à Patrick Head, cofondateur de Williams Engineering. Et c'est un petit peu la trinité parfaite, le trio Head, Williams, Jones. Parce que les trois s'entendent à merveille. C'est pas que c'est les meilleurs amis du monde. C'est juste que les trois, ils sont tellement focalisés sur leur objectif, à savoir de gagner. Et ils ont tous les trois une personnalité qui est tellement similaire que, voilà, ils ne peuvent que se respecter. Et forcément, vu que c'est tous les trois des acharnés, ça va marcher. Ils avaient, au début, naturellement, un peu un handicap. Parce qu'on rappelle, c'est le début des Air Turbo, 1978-79. Donc, on est un petit peu en difficulté, mais la Williams, le châssis, n'est pas mal. Et là, va débouler un certain Ross B. Brown, qui va tenter deux, trois petits trucs avec les jupes à effet de sol, avec son équipe, et ça va marcher de ouf. Et on va avoir Silverstone, je crois que c'est Silverstone, ou Brands Hatch, mais il me semble que c'est Silverstone. C'est le Grand Prix de Grande-Bretagne 79. On a les deux Williams qui prennent la première ligne. Alan Jones en tête devant Claire et Gazzoni. Et là, ils ont compris qu'ils ont trouvé la solution. Il faut savoir que 1979, c'est une année aussi qui est très partagée. On commence avec les Ligier, Jacques Lafitte et Patrick Depailler, qui se montrent très performants. D'ailleurs, Jacques Lafitte remporte les deux premières manches de la saison. On a ensuite Villeneuve pour Ferrari qui remporte les deux manches suivantes. Ligier qui remporte à nouveau une course avec Depailler. Et à nouveau, Jody Scheckter qui remporte deux nouvelles courses pour Ferrari. Donc on est sur une lutte entre Ligier et Ferrari. Et à Silverstone, on arrive avec Williams qui sort de nulle part. Et on est au stade de la mi-saison. Il faut savoir que Jones a fait un podium en début d'année. Ça lui permet d'être juste derrière, en quelque sorte, dans la lutte. Et lorsqu'on arrive, du coup, à Silverstone, les Williams dominent la course. Malheureusement, Alan Jones, qui s'envolait, paf, la voiture lâche. Il ne remporte pas la course, mais c'est Claire Regazzoni qui va la remporter. Alan Jones dira que c'est un de ses plus gros regrets de sa carrière de ne pas avoir remporté la première victoire de Frank Williams en Formule 1. Mais bon, ça laisse l'histoire à Claire Regazzoni, ça lui laisse une belle petite histoire aussi à Regazzoni. Mais en tout cas, preuve est faite que les Williams sont là et Alan Jones remporte les trois manches suivantes. Donc très clairement, il y a de la grosse perf. Malheureusement, c'est beaucoup de points perdus ici et là. Et en toute fin de saison, Alan Jones termine troisième du championnat à 11 points de retard de Jody Scheckter, qui est champion du monde, sachant qu'il y a cette victoire perdue. Donc 9 points à l'époque, la victoire, ça pique très sévère ce début de saison qui n'était pas bon. Je ne vais pas dire qu'on n'était pas loin du titre, mais il aurait clairement pu être dans la lutte parce que dès l'instant que la voiture a marché, lui, il a répondu direct, il était au niveau en remportant 4 courses lors des 6 dernières manches, enfin 7 dernières manches, dont 2 abandons. Donc c'est faire preuve du talent de Jones. On avance maintenant en 1980, du coup. Ferrari, Williams, naturellement, finissent la saison très, très haut. Mais Ferrari est nulle part aux abonnés absents lorsqu'on arrive au Grand Prix d'Argentine pour la première manche. Alors, Grand Prix d'Argentine, un petit peu qui se passe très bien, puisqu'il la remporte, la manche. Mais... où déjà, il sent que ça va être tendu parce que son nouveau coéquipier, c'est un certain Carlos Reutemann. Un très très bon pilote, Carlos Reutemann, d'origine argentine. Et je suis en train de te le présenter, mais je viens de me rappeler qu'avec le Colapinto, on en a pas mal parlé de Reutemann ces derniers temps. Bref, les rivaux des Williams cette saison, ce sont les Brabham de Nelson Piquet. Il n'y a que Nelson Piquet qui peut faire quelque chose avec la Brabham cette année-là. Mais c'est pas suffisant, ça reste une bonne, je vais pas dire domination, mais une très très forte saison des Williams, et Alan Jones est sacré, et premier champion du monde pour Williams, premier championnat du monde constructeur pour l'écurie Williams, donc jusque là, c'est un petit peu la concrétisation d'un très très gros projet. 1981, à présent, on attend le match retour entre Piquet et Jones, entre Williams et Brabham, et on commence la saison cette fois-ci à Long Beach. Et c'est très important ce qui va se passer. Comme je le disais, Alan Jones, c'est la triade sacrée en quelque sorte, un petit peu comme on a pu avoir avec Ross Brawn, Jean Todt et Michael Schumacher lors de l'ère Ferrari. C'est leur projet à tous les trois, et Carlos Reutemann est un excellent lieutenant pour être là, pour prendre des gros points aux rivaux et pour scorer des points pour le championnat constructeur. Ce qu'il y a, c'est que Carlos Reutemann, il le veut son titre aussi, et il a, malheureusement pour sa gueule, il a un petit peu dans son contrat des obligations de favoriser Alan Jones en piste. La saison commence avec un doublé des Williams. Donc Alan Jones et remporte la manche d'ouverture à Long Beach devant Reutemann, et Piquet est troisième, donc ça pose un petit peu le ton. On passe maintenant au Grand Prix du Brésil. Et là, ça va être rigolo, puisque Carlos Reutemann est en tête de course et Alan Jones est juste derrière. La consigne de laisser passer Jones est rappelée un petit peu. On fait des coucous, Carlos Il y a Alan qui est juste derrière. T'es gentil, laisse-le passer. Et Carlos, chaque tour, il fait hey! Now, this is interesting. Reutemann was under team orders to let Jones win if it was close enough on the last lap, and he hasn't done it. There's Alan Jones finishing in second position. And Reutemann, not looking all that happy, alongside Ricardo Patrese, has won the Brazilian Grand Prix, and no Alan Jones. Mais bref, on entrera peut-être dans cette histoire une autre fois, parce que, juste après, qu'est-ce qu'on a ? On a le Grand Prix d'Argentine, et là... et là, Alan Jones, il a peur pour sa vie. La course ne se déroule pas comme Williams le voudrait, c'est Piquet qui l'emporte. Jones finit quatrième, Reutemann est troisième. Et là, la guerre est plus ou moins lancée en interne. On a compris que Reutemann, il veut vraiment aller chercher son titre. En même temps, il a une voiture pour jouer des victoires, des titres, donc il le joue. Et la réalité, c'est que même passé la mi-saison, Reutemann, il est en tête du championnat du monde des pilotes. Donc, c'est difficile de lui dire « laisse gagner ton coéquipier ». De son côté, la saison de Jones se passe très mal, on a énormément de pannes, de soucis de fiabilité, et Reutemann, de son côté, il a aussi ses soucis, mais il est aussi en train de mentalement un petit peu craquer. Il mène jusqu'à la 10e, 11e manche de la saison, quelque chose comme ça, et malheureusement, Nelson Piquet et Brabham sont trop forts, et ils viennent lui chipper la tête du championnat pilote, et ils ne la lâcheront pas jusqu'à la fin de saison. La saison se termine, Brabham n'est pas sacré, c'est Williams qui gagne le titre constructeur, mais le champion du monde, c'est Nelson Piquet. Naturellement, en interne, on a Alan Jones qui dit « c'est bon, allez, j'arrête, je prends ma retraite ». Il le dit comme ça, enfin, il le dit en australien. Donc, je prends ma retraite. Carlos Reutemann est aussi très épuisé par tout ça. Il va s'arrêter quelques temps plus tard. Mais voilà où s'arrête l'épopée d'Alan Jones. Et quand je disais qu'on est passé pas loin d'un Alain Prost, d'un Piquet même, c'est quand on regarde un petit peu si ce qui aurait pu se passer si Alan Jones, qui était encore au top de son game, hein, et si, comme d'après ses mots, il n'avait pas eu le mal du pays, en quelque sorte, parce que bon, hein, faut rappeler qu'à cette époque, il y avait certes un petit peu moins de courses, mais entre les courses, tu te fais plus facilement chier parce que il n'y a pas Instagram. Si on regarde la suite, en 1982, qui sont champions du monde des pilotes, c'est Williams avec Keke Rosberg. Keke Rosberg qui a été embauché pour remplacer Alan Jones. Donc c'est un petit peu ça qui est rigolo, et rigolement triste. Et 1983, à nouveau, va savoir ce que les Williams auraient pu faire, même si on commençait un petit peu à se casser la gueule à cause des moteurs Ford. Donc 79, 80, 81, 82, sur des saisons où Alan Jones était en lice consécutivement pour le titre, et on ne peut pas dire que c'est lui qui a laissé l'équipe en tort, dans le sens où il n'a pas été au niveau, il a un petit peu craqué mentalement ou quoi. Non, c'est vraiment que le contexte a fait qu'il n'a pas été sacré, mais il en est passé pas très loin. Et quelque chose aussi à souligner, à cette époque, gagner un titre, c'était certes exceptionnel, mais gagner deux titres consécutivement, ça n'était pas arrivé depuis 1959 et 60, et c'était justement Jack Brabham qui avait fait cet exploit. Donc, dites-vous bien, de 1960 jusqu'à 1980, et encore, c'est 84-85, non, 85-86 que Prost gagne les titres coup sur coup. Donc, c'est-à-dire, pendant 25 ans, on n'a jamais eu de pilote qui a gagné deux titres consécutivement. Quand tu te places dans une ère où on a eu 5 titres consécutifs de Schumacher, 4 de Vettel, 3 plus 4 de Hamilton et 4 de Verstappen. Et à un moment, tu te dis que la F1, c'était vraiment mieux avant. Ça aurait été un petit peu sympa pour Jones d'être celui qui casse le record de son compatriote. Et rapidement, quelques petits mots, enfin non, même pas des petits mots, juste présenter l'instant bibliothécaire. Il y a Emmanuel Touzeau qui a répondu un machin sur l'histoire de la Formule 1. Enfin, je dis un, non, il en a pondu deux, ce con. Et chez Talent Édition, encore une fois, merci Talent Édition pour les envois presse. Sachez que ce sera consulté avec soin. Donc, pour commencer, donc, j'ai présenté celui-là parce qu'il me semble le plus approprié. C'est un condensé des 75 dernières années de Formule 1. Alors, ça ne parle pas de 2024, je crois, mais naturellement, tu peux retrouver, parler un petit peu plus en profondeur de la saison 1980. Donc voilà, puisqu'on a parlé d'Alan Jones. Un motard vient faire sa loi en Ferrari. En plus, j'aime bien cette photo parce que c'est la Ferrari North America Racing Team, donc la blanche et bleue. Naturellement, juste après, ça parle de Jim Clark. Donc forcément, c'est bien. Giuseppe Farina, donc nos trois champions d'aujourd'hui, avec une préface de Mika Häkkinen. Pour le second bouquin, c'est si vous voulez voyager un petit peu pendant l'hiver. Là, on est un petit peu plus sur de l'histoire et du paysage avec le tour du monde des circuits d'exception. Donc, naturellement, ça va parler des circuits de Jeddah, On a le circuit de Kyalami, qui est un très, très beau circuit. En plus, avec un petit peu d'histoire, avec la grève des pilotes de 1982. On a le circuit de Jerez, que naturellement, Helmut Marko va lire d'un bon œil. Là, je viens de faire une blague, mais il faut savoir que c'est sur le circuit de charade que Helmut Marko a perdu son œil en 1972, je crois. Merci de m'avoir écouté blablater pendant aussi longtemps. Naturellement, merci à Monsieur le Circuit pour sa petite intervention. Ça fait toujours très plaisir de l'avoir, parce que ça me fait du boulot en moins, et je déteste bosser, alors que lui, il fait à peu près une vidéo par semaine, si je dis pas de conneries. Il parle souvent d'histoire de Formule 1, de sport automobile, donc je te concède le droit d'aller t'abonner. Je t'y autorise.